persuadé qu'un débat épistémologique entre la sociologie, en tout cas, je ne me prononce pas pour les autres sciences sociales, et en particulier, je ne me prononce pas pour l'histoire ou l'historiographie telle qu'elle est aujourd'hui. Nous avons malheureusement plusieurs invités historiens, mais nous n'avons pas d'historiens dans la salle, donc je ne prendrai surtout pas la place d'un historien, mais je pense pouvoir parler, j'allais dire, non pas au nom de la sociologie, mais en ayant une certaine connaissance de l'histoire de la sociologie et ce qu'on appelle ses paradigmes dans le langage de Kuhn. Pourquoi? Parce que il y a bien, j'allais dire, non pas une intersection, mais une rencontre, pour l'instant, je ne sais pas trop. Un choc, oui, très bien. Entre une conception, ou du moins une image de la science, de l'activité scientifique, qui nous est commune, même si nous ne la pratiquons pas de la même façon. C'est-à-dire que nous sommes, en tant que sociologues, effectivement, héritiers d'une philosophie du concept, et non pas d'une philosophie de la conscience. Pas ce que j'ai entendu, mais bon, on va pas en discuter. Mais moi, en tout cas, j'en suis intimement persuadé. C'est-à-dire que nous avons une ambition de théorie, de théorisation, donc d'essayer de produire des catégories qui soient des catégories instrumentales, qui soient des catégories applicables, évidemment, à nos expérimentations, notre connaissance du réel et social, et qui soit inscrit, je veux dire, dans ce que vous avez appelé, et c'est pas moi qui ai mis un adjectif à temps, c'est vous, je l'ai bien écouté, tout à l'heure, le temps chronologique, d'accord, qui est effectivement, à partir du moment où on opte pour l'irréversibilité passé, présent, futur, ce temps chronologique est quelque chose que nous rencontrons. Je ne dis pas que nous savons théoriser, même que nous avons l'ambition de théoriser, mais que nous rencontrons, c'est-à-dire que nous savons très bien que tous ces phénomènes sociaux sont des phénomènes historiques qui mettent en jeu des représentations, attitudes, jugements, discours, récits autour du temps. Bon. Et donc, en ce sens-là, il y a effectivement une confrontation possible entre des attitudes. Le problème, c'est que nous ne sommes pas hypothético-déductifs. C'est-à-dire que nous n'avons pas la même pratique, la même conception des rapports entre théorie, hypothèse et observation et description de la réalité. Est-ce que cette part inductive, cette part expérimentale, cette part d'observation existe également dans la physique? Je le crois. Je le crois que la physique n'est pas totalement hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de la physique qui montre que les lois de Newton ne sont pas exactement les lois de Einstein, qui ne sont pas exactement les lois de la théorie des quantas et de la physique des particules. J'ai parlé des lois physiques, pas des lois de la physique. Oui, ok, mais est-ce qu'on peut dissocier loi physique et loi de la physique? Ben oui, parce que sinon je serais obligé de dire que les lois de la physique ont une histoire, comme vous l'avez dit, les lois de Newton, ce n'est pas les lois d'Einstein. Donc, il y a une histoire des lois de la physique. Bien, les vraies lois physiques n'ont pas d'histoire. Sinon, l'énergie ne se conserverait pas. C'est un peu long à vous expliquer, mais le fait que le temps est homogène a comme implication que l'énergie se conserve. Donc le fait que l'énergie se conserve est la preuve que les lois physiques n'évoluent. Et je parle des lois physiques, pas des lois de la physique. Mais qui dit les lois physiques? Voilà, c'est ça. La physique. Bon, d'accord. Pas, bon. Non, la physique tente de dire les lois physiques, voilà. Mais bon, ce qui l'a dit vraiment, c'est la nature. Voilà. La nature qui dit. Oui, mais je veux dire, on peut dire la même chose du social, et on peut dire que les lois sociales, on essaye, d'avoir une généralisation, une théorisation, de fonder la sociologie toujours des lois, on n'y arrive pas la plupart du temps, mais ce qui font les lois sociales, ce sont les humains et leur action collective. Bon. Et que donc, il y a bien, c'est-à-dire un dialogue possible entre deux façons, certes différentes, mais, j'allais dire, intéressant à confronter, voilà, confrontable, de faire de la science. Et je pense que c'est par ce biais, et en particulier par ce détour de la philosophie du concept et non pas de la philosophie de la conscience, par ce détour avec l'ambition de rupture avec le langage courant, hein, et avec tout ce que véhiculent les idées reçues, pour aller vite, faut pas oublier que Durkheim a commencé son œuvre sociologique par la critique des prénotions. Regardez. Voilà, donc tout ça pour me dire que la question que je me posais, c'est y a-t-il la possibilité un jour d'avoir un dossier de la revue de temporalité qui confronte des manières de traiter du temps, de je ne sais plus quel terme vous avez dit, rencontrer le temps, enfin je ne sais plus. Rencontrer le temps, c'est pas mal, dans les sciences sociales et dans la physique. Et ma réponse est oui, à condition évidemment de pouvoir confronter des manières de faire de la science, des histoires de ces manières de faire de la science, et des conceptions d'une théorie scientifique et des rapports entre théorie scientifique et observation expérimentale. C'est tout ce que j'avais à dire, et je pense que terminer, clore cette séance. Merci beaucoup, Étienne Klein, d'avoir bien voulu jouer le jeu. Et on va enchaîner tout de suite.